On continue tranquillou dans l'aspect française avec deux groupes totalement différents, dans deux styles assez opposés. Tout d'abord Yojimbo qui va nous permettre de respirer un petit coup, groupe de stoner rock qui nous vient également d'Alsace, hein, tout comme Dawol, bon, sauf que viennent de Strasbourg. C'est une chanteuse qui emmène la formation, on est sur un premier EP 5 titres, un peu fuzzy, doumisant, mais voilà, ça reste très, très respirable comme stoner. Un premier EP, donc voilà, plutôt prometteur pour la suite. Et en doublette avec Yojimbo, on va s'écouter Viande, le groupe de Death Grind qui sort son nouvel effort studio L'Abîme dévore les âmes. Bon, Viande, je dirais que un peu tout est dans ce qu'on vient de se dire. Voilà, le groupe nous vient de Chambéry, c'est du Death Grindess. Et voilà, ça balance un petit peu même à la sauce Black End façon Archgoat. Voilà, ça dégueule dans tous les sens, c'est absolument parfait. Et à noter que donc tous les titres sont en français. Pour l'Asie, qu'on va s'écouter les morceaux suivants. Si je reprends mes notes tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Yojimbo, le titre Kingdom, extrait donc de l'EP du même nom. Et Viande, on va s'écouter le morceau Les Dents du Gouffre. C'est parti. Now step off the limb. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Just moonlight to live me. Elle est extrême, elle est violente, elle est qualitative, cette spé française, une fois de plus ce soir. Doublette suivante, Yarods, le groupe de hardcore, chaotique hardcore, sludgeisant même, qui sort son nouvel album Erinys. On s'écoutera le très bon Caught by the Note. Voilà, pareil, le titre parle de lui-même pour la musique de Yarods. Et en doublette, les nordistes de Excruciate 666, le groupe de Brutal Black, qui sort son nouvel album Antique Warlord Supremacy. On s'écoutera le titre Carnyx Demon Cult. C'est parti. Yeah! Et pour clôturer l'aspect française de ce soir, une doublette dans la doublette avec le Death Grindcore de Proudhon, une nouvelle sortie Inhumatomicide Records associée à Duality Records. Proudhon qui sort donc Social Tympanum. On s'écoutera le titre Day of Glory en doublette avec Marx on Mars. C'est parti. À la diff internationale et immanquablement on s'approche de la fin de l'émission de ce soir. Donc prochaine doublette internationale, tout d'abord Messa, groupe de doom italien emmené par une femme derrière le micro. Doom assez atmosphérique et planant, sans être pour autant linéaire, compo assez longue, hein, aucune en dessous de 5 minutes. On a même quelques petites inspirations orientales et des instruments qu'on trouve un petit peu moins dans le style Doom, de la mandoline, du saxo par exemple, et même de l'oud pour le côté oriental. Et en doublette avec Messa, on s'écoutera Eucharist, formation suédoise, qui, au début des années 90, nous faisait du death metal à la sauce at the gates et haute Dark Tranquility, même si c'était des seconds couteaux de la scène, et qui maintenant évolue dans du black death mélodique. Voilà, et puis à noter que du coup l'actuel cogneur de Eucharist n'est autre que le frappeur de Marduk. Donc voilà, ça pilonne pas mal derrière les fûts. Mais ça, on s'écoutera le morceau Serving Him, extrait de l'album Close, et Eucharist avec le morceau Lilith, extrait du nouvel album I Am The Void. C'est parti. Thank you. on est dans l'avant-dernière doublette de l'émission Hellbanger de ce soir, et on a quand même l'opportunité de s'envoyer encore de la nouveauté, avec tout d'abord Mortify, groupe de death assez old school qui nous vient du Chili, et cependant ça peut être old school et sonné old school à la Obituary. On a de gros éléments tech, un peu à la sauce Pestilence ou autre Gore Guts, donc voilà, Mortify, c'est de chouettes inspirations et un bon rendu ultra true et sincère et vénère. Fragments at the Edge of Sorrow, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Et l'avant-dernière nouveauté de ce soir, il s'agit de Armory. Qu'est-ce donc que cette jeune formation? Enfin, jeune formation, 10 ans déjà quand même, hein. C'est du Heavy Speed qui nous vient de Suède. Ils sont là, leur troisième album studio. On est dans un truc assez old school, d'inspiration Agent Steel, Vulture, ou même plus récemment Evil Invaders. C'est plutôt bien foutu, puis bon, on est vraiment dans tous les gimmicks et les codes du style. Le chanteur manque un peu de coffre pour que ça soit vraiment parfait. Voilà, ça permettrait de se renvoyer clairement dans les années 80, début 90, pour le côté bien rétro et bien vénère. Voilà, notez que Armory sort son album sur des labels qu'on vous a déjà diffusé récemment, hein, Dying Victims Production par exemple. Qu'est-ce qu'on vous a diffusé tout récemment de ce label? Eh ben Venator par exemple, voilà, qui a été une très très bonne sortie de ces dernières semaines. Mortify, Frayed, Lunacy, et on s'écoutera ensuite Hunters from Beyond, signé Armory. À noter que l'album sortira le 22 avril. Of dawn, fade to the deep, it's the minimum. Et ça va être l'heure de se quitter avec une toute dernière doublette dans l'émission de ce soir. Pour clôturer, eh bien, nous avons une toute dernière nouveauté, Blood Countess tout d'abord. Jeune formation venue d'Angleterre, active depuis 2018. Après un tout premier EP, ils sortent là leur premier album studio. Ce premier effort studio longue durée chez Blood Countess s'intitule Occulta Tenebris. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour présenter la formation? Eh bien, c'est une vocaliste qui tient le micro, c'est hargneux, c'est criard et excessif dans les lignes vocales. Musicalement, on est sur un black assez classique, bon, typiquement anglais cependant. Occulte et bien thématique autour de Elizabeth Bathory, en même temps quand le groupe s'intitule Blood Countess est mené par une femme, ça semble assez logique. Et dans les petites anecdotes, on peut également dire que la chanteuse officie également au sein de Eastern Front depuis 2016. Voilà, le groupe peut-être un peu plus connu que Blood Countess. On s'écoutera le titre In Virgin's Blood, typique, classique. Et en clôture de l'émission de ce soir, Paediatrician, le groupe de Brutal Slam Death qui nous vient d'Europe de l'Est, de Hongrie plus précisément. Sixième album studio, 13 titres pour une trentaine de minutes de brutalité. On va se quitter avec le titre sobrement intitulé Suicide Ambulance. À noter que leur nouvel album s'intitule Postpartum Depression, déjà dispo chez Viltepes Records. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao, ciao!